Le vendredi 2 septembre, bon midi, voici les informations à CKRL. D'abord, la fête arc-en-ciel de Québec peut officiellement commencer avec ce matin le lever du drapeau LGBT devant l'hôtel de ville. Sur place, la députée Tachereau Agnès Maltais n'a pas hésité à placer la fête dans le contexte de l'après-Orlando, insistant sur l'importance de célébrer la diversité. J'y suis à tous les ans, mais cette année, c'est particulièrement important parce qu'on est dans l'après les événements d'Orlando où une bombe a explosé. Un attentat terroriste a eu lieu parce qu'il y avait des gens qui vivaient librement leur sexualité. C'est d'autant plus important à ce moment-là d'envoyer un message au monde. Le Québec est une terre de liberté. On y croit profondément, c'est dans nos valeurs. Maintenant, dans le monde, on sait qu'on n'est plus à l'abri de ces événements-là. Toutefois, je sais qu'ici, nous avons inscrit nos droits dans des lois. Les droits des gays sont protégés maintenant. On n'est pas à l'abri d'événements tristes comme ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est pour ça que ces messages-là de solidarité, de plaisir de vivre ensemble, de liberté sont importants. C'était Mme Maltais. Rappelons, pour ce qui est de la fête arc-en-ciel qui prend son envol, que différentes activités culturelles et festives sont au programme toute la fin de semaine, principalement sur la rue Saint-Jean et au carré d'Youville. C'est aussi ce soir, notons-le, le retour du défilé de la fierté. Et on apprend la suspension d'un haut gradé de la Sûreté du Québec pour avoir fait l'objet d'une enquête de l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption. Il s'agit de John Cohen, il était basé à Québec, occupait les fonctions de directeur pour la capitale nationale et de l'Est de la province. Un porte-parole de la SQ a confirmé qu'il a été récemment affecté à des tâches administratives, mais on ignore exactement les faits qui lui sont reprochés. On termine en Floride. L'ouragan qui a touché terre faisant un mort et plusieurs blessés. C'est le premier ouragan à toucher l'État américain, cet État américain plutôt, en une décennie. De nombreux arbres ont été déracinés par les vents qui soufflent à 130 km/h et c'est sans compter les inondations causées par les pluies diluviennes. Quelques 250 000 foyers sont privés de courant présentement en Floride. Voilà pour CKRL. C'était Dominique Lelièvre.